Miséricorde, les enfants du cercle, Sirène et Pushka, Headshot. Guitare et sangle de cuir, shoot comme au stand de tir. 12 prod, esquive les coupes gorges, navigue sans boussole, roule dans le centre-ville. Le son s'écoute fort avant que les choses s'envenillent. Guitare et sangle de cuir, shoot comme au stand de tir. 12 prod, esquive les coupes gorges, navigue sans boussole, roule dans le centre-ville. Le son s'écoute fort avant que les choses s'envenillent. Je leur sers le menu best-of, double headshot. Wesh doc, c'est quoi les dièses job pour qu'on les perd fort. Brest offre ce genre de bestiole. Le text coin reste fuck, j'suis dans le brainstorm. Ça sort la jungle comme Greystock. Hands up, on n'est pas dans l'optique de ces haters. La vérité, t'as beau la fuir et te reviendra en pleine gueule. Le secteur est quadrillé, ta tête d'œuf éparpillée sur le mur. Lyrique sur mesure, pas de salive gaspillée. Affilié à ceux qui savent qu'ici tout est falsifié. Admirer la beauté du geste, des planètes s'aligner. Mode silencieux activé, aucun traitement de faveur, mais tout le monde sur un pied d'égalité. On a de quoi dégonfler des pastèques. La vie c'est brutal, on a vu s'effondrer des gratte-ciel. Dernier réglage avant le crash test, au clair de lune marche avec le regard froid comme l'iceberg. Guitare et sangle de cuir, shoot comme au stand de tir. 12 prod, esquive les coupes-gorges, navigue sans boussole, roule dans le centre-ville. Le son s'écoute fort avant que les choses s'envenillent. Guitare et sangle de cuir, shoot comme au stand de tir. 12 prod, esquive les coupes-gorges, navigue sans boussole, roule dans le centre-ville. Le son s'écoute fort avant que les choses s'envenillent. C'est headshot, baroude avec slob. Vers drone, rencontre à personne, affectionne la douceur de vivre, vise le cœur de cible, amour pour seul devise. En vieille ou nouvelle école, l'époque est folle, elle bouleverse les codes. L'herbe est bonne, l'ambiance volcanique, rap et botanique, lourd sans en faire des tonnes. Haute altitude, forte magnitude, dans l'univers tu n'es qu'une particule. Les rimes s'articulent, élève assidue. On rentabilise chaque minute, l'ennui est mortel, musique et cocktail. C'est headshot frère, on veut sortir des ornières. Travail d'orfèvre, on met la touche brestoise. Le truc en plus qui donne un goût spécial. Guitare et sangle de cuir, shoot comme au stand de tir. 12 prod, esquive les coupes-gorges, navigue sans boussole, roule dans le centre-ville. Le son s'écoute fort avant que les choses s'envenillent. Guitare et sangle de cuir, shoot comme au stand de tir. 12 prod, esquive les coupes-gorges, navigue sans boussole, roule dans le centre-ville. Le son s'écoute fort avant que les choses s'envenillent.